La passe miroir de Christelle Dabos. Livre 3, La mémoire de Babel. Lue par Clotilde Seigne. Souvenir du livre 2, Les disparus du clair de lune. À la suite d'un malentendu, Ophélie est nommée vice-conteuse à la cour de Farouk, l'esprit de famille du pôle. Elle plonge dans l'envers du décor à la citatielle et entrevoit la corruption des âmes sous les illusions dorées. D'inquiétantes disparitions au sein des nobles l'amènent bientôt à enquêter, en tant que liseuse cette fois, sur un maître chanteur qui prétend agir pour le compte de Dieu. Ophélie en devient la cible quand Farouk compte sur son pouvoir pour percer le secret de son livre, un manuscrit codé dont chaque esprit de famille possède un exemplaire, dernier vestige d'une enfance oubliée. Une lecture dont finira par dépendre la vie de Thorne, condamné à la peine capitale. Ce qu'Ophélie découvrira dépasse de loin ce qu'elle avait imaginé. Dieu existe bel et bien. Il est le créateur des esprits de famille, le parent de toute leur descendance, le maître des destinées familiales, le censeur des mémoires collectives. Et surtout, il peut prendre les traits et le pouvoir de tous ceux dont il croise la route. Cela, Ophélie et Thorne l'apprendront à leur dépens quand Dieu leur rendra visite en prison. Il leur prédit alors que le pire est à venir. L'autre est bien plus redoutable que lui. Et c'est Ophélie qui l'a libéré sans le savoir lors de son tout premier passage de miroir. Thorne, qui est devenu lui-même passe-miroir grâce à son mariage, se sert de son nouveau pouvoir pour disparaître dans la nature. Contrainte de quitter le pôle et de regagner Anima, Ophélie reste seule avec toutes ses questions. Qui est l'autre? Est-ce bel et bien lui qui a provoqué la déchirure? Pourquoi projette-t-il de déclencher l'effondrement des arches? Et est-elle vraiment destinée à mener Dieu jusqu'à l'autre? Mais une question reste la plus obsédante de toutes. Où est Thorne?